Il faisait bien chaud, c'était bon. Au creux de ton épaule, on se soutenait dans les côtes. On se marrait dans les pentes. C'était dur, mais on était proches en ce temps-là. Oui, tu étais là près de moi. Aujourd'hui j'ai froid et j'ai peur, parce que je ne sais pas, parce que tu me manques tellement. Tu es parti, où es-tu? Ça me fait mal. Si tu savais qui tombe, mon cœur bat de l'air, j'ai tant besoin de toi. Toi qui m'aveugle et me torture, flamme sœur. Si tu me voyais ce soir écrire à l'encre de mes larmes, mon âme chavire, tu aurais honte. Est-ce trop tard pour me sauver de la noyade? Si tu savais que le claquement de mes dents me réveille la nuit. Toi qui m'as trahi, si tu savais que c'est ça que je pense. Toi que j'admire, toi qui me fais vivre. J'ai tant besoin de ta chaleur. Mourante, je n'ai plus de souffle pour les ranimer. Es-tu morte? Non.